Vous êtes bien curieux, mes chers amis. Mais je vais tout vous dire. Le couscous l'est fait avec de la semoule roulée. Il est cuit à la vapeur, on rajoute un peu de beurre et là, le bouillon est complètement à part. Mais je vais vous montrer. Hein. Ah. C'est délicieux. Wonderful. Fantastique.